épisode de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guinozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous dans les studios de VRGM. Aujourd'hui je reçois Christelle qui est accompagnée de Jacques, Claudine et Patrick. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour. Bonjour, ça va bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Moi je m'appelle Claudine, je suis bénévole dans l'association Voir Ensemble depuis plus de 10 ans et voilà. D'accord. Alors, je m'appelle Christelle, je suis responsable du groupe des Vosges de l'association Voir Ensemble et je suis adhérente depuis 2002, donc 21 ans. D'accord. Je m'appelle Jacques, je suis à l'association depuis environ 5 ans et je suis malvoyant. D'accord. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis dans l'association depuis à peu près un an, je suis accompagnateur et bénévole, voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'association Voir Ensemble? Alors l'association Voir Ensemble est une association qui a quand même pas mal d'années derrière elle, puisqu'elle existe depuis plus de 35 ans. À l'époque, elle avait été créée sous le nom de la Croisade des Aveugles, et elle est encore connue sous ce nom-là pour beaucoup de personnes. Et elle œuvre uniquement pour les déficients visuels, en offrant, en essayant de redonner du lien social aux personnes souffrant d'un handicap visuel qui vivent trop souvent seules et qui ont besoin de renouer un petit peu avec la société. Et pour ce faire, on leur propose des activités essentiellement de loisirs pour les sortir de leur environnement solitaire et pour un petit peu leur redonner une vie et une activité physique et culturelle, entre autres. D'accord. Alors vous me disiez hors antenne, Christelle, que peu de personnes utilisent encore le braille. Est-ce que c'est ce qui vous aide à vous en sortir finalement? Alors moi personnellement je l'utilise, c'est vrai que je trouve que c'est quand même une écriture formidable, et j'ai également un ordinateur vocalisé, un téléphone vocalisé, mais tout ce que je note pour l'association, je le note à la fois dans l'ordinateur et à la fois en braille, parce que je ne veux surtout pas m'en remettre à un appareil technologique qui peut tomber en panne, et en ayant le braille au moins je sais que j'aurai toujours mes écrits qui resteront. On disait d'ailleurs en antenne aussi que sur les boîtes de médicaments, c'est du braille aussi, les petits reliefs. Moi, je le savais pas depuis longtemps déjà, mais c'est bien d'en parler. Est-ce que c'est une association nationale, Christelle? Alors, nous dépendons effectivement d'un siège national qui se situe à Paris. Et il y a donc différentes antennes départementales comme la nôtre. Il y a environ une 60aine de groupes sur la France. D'accord. Et dans quel but elle a été créée, l'association Voir Ensemble? Je pense que le but, c'est essentiellement ce que je vous disais, c'est-à-dire de redonner une vie sociale à des personnes souffrant d'un handicap visuel, souvent seules, souvent abandonnées de la famille. Il y a quand même des personnes qui n'ont même plus de famille. Donc le but, c'est surtout remettre ces personnes dans la société, avoir une vie dans la société, une vie civile confirmée. D'accord. Combien est-ce qu'il y a de bénévoles dans les Vosges? Alors au total, nous sommes aujourd'hui 108 adhérents. Je n'ai pas exactement le nombre de bénévoles, mais c'est à peu près la moitié de bénévoles et l'autre moitié de déficients visuels. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font dans l'association, les bénévoles? Alors les bénévoles ont un rôle essentiel. C'est clair que sans eux, l'association ne pourrait pas être. Car vous vous doutez que des personnes souffrant d'handicap visuel ont du mal à prendre les transports en commun quand ça existe dans leur secteur, ce qui n'est pas évident non plus. Et donc les bénévoles, pour les activités, vont chercher les personnes à leur domicile, les encadrent et les aident pendant l'activité et les ramènent au domicile après. D'accord. Et est-ce que vous bénéficiez par exemple d'une canne? Oui, je sais qu'il y a les chiens d'aveugles aussi, parce que j'ai reçu l'association Chiens Guides de l'Est qui aidait les personnes malvoyantes dans leur quotidien aussi. Alors effectivement, il y a des chiens guides. On a très peu de personnes dans notre groupe qui en possèdent. La plupart d'entre nous circulent avec une canne blanche et se débrouillent comme ça. Après, le chien, c'est toujours pareil. C'est magnifique ce que fait un chien guide, ça c'est clair. Mais c'est aussi une contrainte. Là, comme je vous disais, on est véhiculé par des bénévoles. Donc avoir un chien guide, ça veut dire qu'il faut également que le bénévole accepte de prendre le chien dans sa voiture, ce qui peut engendrer aussi de la saleté, voire des dégâts dans les voitures. D'accord. Alors Jacques, Claudine et Patrick, depuis quand vous faites partie de l'association, vous? Eh bien, je fais partie depuis 5 ans de cette association. J'ai été recruté, enfin pas recruté, dans mon village. Il y avait l'ex-présidente, qui est présidente d'honneur maintenant, qui m'a rencontré et qui m'a invité à venir avec eux, quoi. Mmh. Et vous, Claudine ? Moi, je suis dans l'association depuis 12 ans, un peu plus de 12 ans. Et c'est, j'ai suivi mon mari, comme dès sa retraite, il avait fait partie de l'association. Il avait rencontré quelqu'un qui lui avait parlé de l'association. Et moi, quand j'ai pu, je l'ai rejoint et on était tous les deux bénévoles. On est toujours tous les deux bénévoles dans l'association. Et vous, Patrick ? Alors moi, j'ai rencontré Jacques, que je connaissais avant, mais depuis qu'il est non-voyant. Il m'a parlé de certains problèmes, il n'avait plus de chauffeur, il n'avait plus personne qui pouvait l'emmener. Et puis moi je me suis dit, bon allez hop, j'ai plus rien à faire, je suis en retraite, et allons-y. Mm-hmm. Donnons un peu de temps, voilà. Christelle, comment est-ce qu'on peut devenir bénévole au sein de l'association Voir Ensemble ? Alors, nous recrutons beaucoup par des articles de presse. C'est vrai que quand on fait des activités, on en parlera tout à l'heure des activités, mais quand on fait par exemple de la randonnée, on essaye d'avoir régulièrement des articles dans la presse. Et par ce biais, on met une petite note si on recherche un chauffeur bénévole dans un secteur. On profite de cet article pour le mettre. Et sinon, on est également adhérent à France Bénévolat. Donc France Bénévolat nous envoie également des bénévoles par son intermédiaire. Et est-ce qu'on peut faire des dons à l'association ou pas ? Ah ben oui. Je vais vous dire que bien sûr qu'on peut faire des dons, parce que d'ailleurs, de toute façon, notre association financièrement ne fonctionne qu'avec les cotisations des adhérents. Le résultat de la quête sur la voie publique pour les associations d'aveugles, c'est-à-dire les journées nationales pour les aveugles, qui se déroulent toujours le premier week-end d'octobre, et les éventuels dons que l'on peut avoir par soit des privés, soit des entreprises, mais les dons sont toujours les bienvenus, bien entendu. Et comment est-ce qu'on peut devenir bénévole ? On doit contacter qui, par exemple ? En général, les personnes qui sont intéressées pour devenir bénévole, si c'est par un article de presse, c'est mon numéro de téléphone qui est indiqué. Et France Bénévolat a également mes coordonnées. Donc c'est en principe moi qui reçois les appels et qui explique un petit peu aux personnes ce qu'elles peuvent faire dans l'association, ce qu'on peut attendre d'elles. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler des différentes actions de l'association. A tout de suite sur Radio Guémozo. J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas. Adopté, en vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si la verse me touche, toi et moi, on la traverse à deux, froid. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main, dis, prends-la. On s'aimera. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Christelle, Jacques, Claudine et Patrick. Alors, qui a choisi cette belle musique de Vianney? Ah, c'est moi, Claudine. Très bon choix. Merci. Christelle, c'est quoi les différentes actions de l'association Voir Ensemble dans les Vosges? Alors, nous, comme je vous l'ai dit, nous proposons des activités de loisirs. Donc, nous proposons déjà des activités sportives avec de la randonnée toutes les semaines. On randonne tous les mardis après-midi. En juillet, on fait des randonnées à la journée. On propose également un séjour d'hiver, parce que, bon, j'ose plus dire raquette, parce qu'on ne sait encore pas si on va pouvoir faire longtemps de la raquette en hiver, mais en tout cas, un séjour sportif d'hiver au centre des CVL de la Bresse. Et là, ce séjour est un petit peu particulier, parce que c'est le groupe des Vosges qui l'organise, mais il est ouvert aux autres groupes de France. Donc, ça permet de rencontrer des déficients visuels venant d'autres régions de France. On a également un séjour de randonnée qui est organisé par notre ami Francis Poirot. Et au niveau sportif, on a également du tandem. On propose du tandem en juin et septembre sur la voie verte entre Remiremont-Bussan et Remiremont-Cornimont. Et voilà ce qui est pour le sportif. On organise également des sorties culturelles. Donc une sortie culturelle fin juin hors du département. En bus. Et s'il y a une proposition de personnes du département, on organise une sortie sur le département en septembre. On a également des ateliers de loisirs créatifs et jeux tous les premiers lundis du mois dans une salle à Épinal à la Maison des Associations. D'ailleurs, si je peux me permettre, je remercie la commune d'Épinal de nous aider en nous prêtant des salles pour ce faire. Et puis nous avons des repas, nous avons également un repas en octobre, ce qu'on appelle notre fête annuelle, qui est un repas agrémenté d'une tombola, qui se passe une fois sur deux à la maison Léonard à Épinal. Et l'année d'après, ben, c'est un adhérent qui propose soit dans sa commune, soit dans un restaurant qu'il aime. Et puis voilà, nous avons également aussi un pique-nique qu'on organise tous les ans fin juillet pour clôturer un petit peu notre saison. Je crois que j'ai à peu près résumé. Oui, ben, la galette aussi, effectivement. Merci Claudine. La galette qui se déroule toujours début janvier, bien entendu, à l'espace court pour l'Assemblée Générale. Les grands classiques que l'on organise en mars, qui a eu lieu il y a peu de temps. Voilà à peu près pour résumer. Ah oui, j'oubliais aussi, il y a un repas que l'on nomme le repas des bénévoles, qui est un repas qui a été mis en place à l'initiative d'une non-voyante qui voulait trouver un moyen de remercier tous les bénévoles autrement qu'en disant simplement merci, mais en offrant un repas. Donc c'est un repas qui est fait tous les ans en décembre et qui concerne surtout le groupe le plus actif, c'est-à-dire le groupe de randonnée et les travaux manuels. Et là, ce sont les déficients visuels qui offrent un repas à leurs bénévoles pour les remercier de toute l'attention et de toute l'aide apportée au long de l'année. D'accord. Hormis les loisirs, est-ce que l'association vous aide à tous les niveaux, que ce soit dans votre quotidien ou dans le milieu du travail aussi? Alors, dans le milieu du travail, on n'a aucun déficient visuel qui travaille dans notre groupe. Donc, je ne sais pas, nous, on n'aide pas particulièrement dans ce domaine-là. Après, pour le reste, effectivement, on essaye d'aider pour conseiller, pour du matériel. On est en contact également, il y a un comité AVH qui s'est créé maintenant à Épinal, donc je suis en contact avec son président. Qui peut fournir du matériel adapté, donc on aide un petit peu, l'expérience des uns peut profiter aux autres, c'est ce que je dis souvent aussi, les malvoyants, malheureusement il y en a beaucoup qui sont destinés à perdre la vue, donc là les non-voyants ont un rôle essentiel, c'est-à-dire de les aider à passer cette étape en leur expliquant un petit peu comment ils peuvent faire pour faciliter un petit peu leur quotidien. Et on essaye de sentir, il y a de l'entraide, que ce soit les bénévoles qui aident les déficients visuels, mais également les non-voyants qui peuvent aider les malvoyants. Il y a de l'entraide un petit peu dans tous les domaines et c'est ça qui est formidable. D'accord. Et c'est quoi la différence entre une personne malvoyante et une personne déficiente visuelle? Alors en fait, il n'y a pas de différence. Un déficient visuel, c'est une personne qui souffre d'un handicap visuel, donc ça regroupe les malvoyants et les non-voyants. D'accord. Et sans indiscrétion, vous souffrez de cette maladie depuis quand, vous, Christelle et Jacques? Alors moi, personnellement, j'ai perdu la vue en 92 à l'âge de 22 ans de façon accidentelle. D'accord. Et vous, Jacques? Et moi, j'ai perdu la vue, pas grâce au diabète, mais à cause de d'une rétinopathie diabétique. J'étais complètement presque aveugle en 2013, quoi. D'accord. Comment une personne malvoyante ou déficiente visuelle peut faire appel à l'association s'ils veulent vous rejoindre et profiter un peu des loisirs, etc.? Ben c'est là que c'est des fois un petit peu compliqué parce que, comme je vous disais, bon, on a un site internet, enfin Paris a un site internet, il y a le groupe des Vosges a sa petite rubrique aussi où on met des articles sur nos sorties régulièrement. Mais c'est vrai qu'une personne qui n'a pas accès à un ordinateur, c'est compliqué pour elle. Il y a également les articles de presse dont je vous parlais, mais il faut bien entendu qu'une personne voyante puisse en parler. Donc il faut qu'il y ait des relais qui se fassent. Après, l'AMDPH qui s'occupe de tout ce qui est administratif pour les personnes handicapées en général, maintenant accepte de diriger les personnes vers les associations comme la nôtre, ce qui est bien, parce que ce n'était pas le cas à une époque. Qu'est-ce qui a changé depuis quelques années pour les personnes malvoyantes, que ce soit dans le quotidien, dans les grandes surfaces, etc.? Il y a eu quand même beaucoup d'évolutions et c'est une bonne chose. Par exemple, dans les villes, maintenant, on voit se développer de plus en plus des feux sonores, ce qui aide pour traverser les rues, les avenues. Il y a également des bandes podotactiles qui s'installent un petit peu partout, également dans les villes, mais aussi dans les hôpitaux, dans les lieux publics, ce qui nous aide à nous repérer. Mais je pense que Claudine pourrait peut-être vous parler un peu mieux de ça parce qu'elle fait partie de la commission accessibilité. Je vais lui laisser la parole. Oui, je fais partie de la commission départementale d'accessibilité et avec la DDT, on est censé faire appliquer la loi de 2005, c'est-à-dire permettre l'accessibilité à tous les handicaps aux établissements qui reçoivent du public. Donc on a une réunion chaque mois, on passe en revue les demandes de permis de construire et d'autorisation de travaux pour bien veiller à ce que tous les travaux qui se font dans le département sur ces établissements-là soient conformes aux règles. Et là, pour les personnes déficientes visuelles, on demande à ce qu'il y ait de la vitrophanie sur les vitres pour éviter aux malvoyants de taper dans les vitres qui ne sont pas signalées. Il y a les rampes pour les déficients physiques, mais autrement, ça peut aussi, avec des cheminements, permettre aux personnes malvoyantes de circuler. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se font de ce point de vue-là. Après, moi, il y a quelque chose que je trouve de dangereux, c'est les voitures électriques. Ah ben là, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que je pense qu'à terme, si tout le monde finit par rouler à l'électrique... On va perdre des déficients visuels parce que ça risque d'être effectivement très dangereux parce qu'on ne les entend pas, effectivement. Oui, ça, c'est vrai. Que l'on soit, qu'on ait des problèmes de vision ou pas, c'est même nous, moi qui ai des handicaps invisibles, ça me gêne quand même. Au niveau auditif aussi, c'est... Voilà. Bien sûr. Est-ce que vous êtes déjà parti en vacances avec l'association? Alors oui, comme je vous le disais, dans les activités, comme nous organisons deux séjours, donc séjour de randonnée et séjour d'hiver. Donc on part tous les ans, le séjour de randonnée se fait tous les ans, les deux séjours se font tous les ans. Donc c'est de la randonnée, mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, ce sont des vacances, parce qu'il faut bien se dire que pour certains, il y a des personnes qui n'ont que ça comme séjour de vacances, qui ne peuvent pas partir, parce qu'il faut bien se dire que partir en vacances, ça veut dire qu'il faut avoir une personne pour nous accompagner. Et même les bénévoles de l'association, je pense qu'ils sont bénévoles dans l'association, mais il faut également qu'on respecte leur vie privée. Donc on ne peut pas les solliciter tout le temps dès qu'on a envie de partir. Donc il faut respecter tout ça. Et donc les séjours de randonnée sont des vacances. On organise aussi, j'ai oublié de vous le dire, maintenant ça fait la deuxième année qu'on a fait un court séjour culturel. Donc là, c'est un séjour qui se déroule 3 jours. On essaye de partir pas trop loin, parce que c'est quand même assez court comme séjour. Donc on est allé la première fois en Bourgogne, et l'année dernière, on était du côté de Pontarlier, et cette année, le projet, c'est d'aller à Chaumont. Et de toutes les activités que vous m'aviez parlé, c'est laquelle que vous préférez, vous, Jacques et Christelle? Celle que je préfère, c'est l'activité du court séjour de 3 jours. Voilà. Je pratique aussi la marche, mais des petites marches, parce que j'ai un handicap de marcheur. Bon, voilà. Autrement, j'ai pratiqué un sport qui s'appelle le Shodan, et j'aimerais bien le pratiquer, mais nous avons un petit problème. Nous manquons de matériel. Justement, c'est quoi le Shodan ? Eh bien, le Shodan, si on traduit en français courant, ça s'appelle tennis de table pour aveugles. D'accord. Donc, le problème, c'est que la table de tennis pour aveugles coûte un peu plus cher que la table pour voyants. Et vous faites des sorties, que ce soit en hiver, printemps, été, etc. Mais c'est quoi la saison que vous préférez, vous, pour faire les différentes activités, Christel et Jacques ? Je crois que moi, personnellement, j'aime toutes les saisons parce que les sorties sont différentes selon la saison. On apprécie différemment. La nature, en hiver, on entend bien que c'est beaucoup plus calme parce que la nature est un peu en sommeil. En revanche, au printemps, tout se réveille, les oiseaux chantent. On a un peu les éléments qui se remettent en route. Donc, je pense qu'en ce qui me concerne, il y a un attrait à toutes les saisons. C'est différent chaque saison et on peut profiter justement de cette différence-là. Et vous, Jacques ? J'ai pas trop d'avis. Vous aimez toutes les saisons. Vous appréciez le moment. J'apprécie d'être à l'association parce que ça permet de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que moi et de profiter de leur expérience pour dépasser mes problèmes. Vous sort de votre quotidien et ça fait du bien aussi de voir du monde et de sortir à l'extérieur. Oui, bien sûr. Christel, je voulais vous demander qu'avec toutes ces sorties, qui c'est qui s'occupe de ça ? Parce que vous avez peut-être un guide, plus des personnes qui vous accompagnent, les bénévoles. Alors, pour ce qui est des randonnées que nous faisons tous les mardis, donc c'est moi qui fais le planning des marches. Et pour faire ces marches, je sollicite des bénévoles de l'association, des non-voyants, des malvoyants. Et nous avons également des partenariats avec certains groupes locaux dans des communes. Des groupes avec lesquels nous avons pris contact parce que je pratique un petit peu aussi les marches populaires. Donc ça a permis de prendre des contacts avec des personnes extérieures. Et nous avons un groupe par exemple à Pouxeux, nous avons un groupe à Arches, à Corcieux, qui nous propose une marche au moins par an. Et ça permet en plus de faire de la sensibilisation au handicap parce que les personnes de ce groupe demandent à guider des non-voyants. Et du coup, on explique un petit peu notre quotidien. Donc ça leur apprend un petit peu aussi comment on vit. Et ils apprennent beaucoup de choses. Je crois qu'ils sont contents de pouvoir partager ça avec nous. D'accord. J'avais trouvé sur le site de l'association au niveau national qui proposait des fois des ateliers en situation de personnes déficientes visuelles en leur bandant les yeux et ils devaient pendant quelques temps faire des activités comme s'ils avaient ce handicap. Alors nous, ce qu'on a fait, on l'a fait une fois avec la mairie d'Épinal. Il y avait une journée de sensibilisation. Donc, ça a été le moment pour bander les yeux, justement, à ces personnes de la mairie qui ne se rendent pas compte du tout des difficultés que sont les déplacements en ville. Et je vous assure que... Alors, il y a une personne, je ne sais plus laquelle, mais qui a rentré dans un bus, carrément, parce qu'elle s'est rendue compte que la canne avait ses limites. Et puis, la canne, elle est arrivée, elle est passée entre les roues du bus et il s'est retrouvé le nez dans le bus. Donc, c'est vrai que c'est le meilleur moyen pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce que c'est que se déplacer quand on ne voit pas clair en ville, avec tous les obstacles que ça peut représenter. Je crois que randonner en forêt, c'est vraiment du billard à côté de marcher en ville, quoi, parce que... Entre les gens qui stationnent mal, les poubelles, un volet qui s'est entrouvert, il y a du danger permanent partout en ville. Il faut être attentif tout le temps. Donc il faudrait que les gens fassent plus attention à tout le monde, finalement. C'est certain. En plus, on parlait de ce qui se faisait maintenant pour le handicap visuel. Il y a des gros problèmes aussi sur les zones qu'on appelle les zones de partage, parce que ce sont des zones qui sont limitées à 30 peut-être même moins maintenant, il y a des zones à 20. Mais ce sont des zones où tout le monde doit partager la circulation, qu'on soit à pied, qu'on soit en vélo, qu'on soit en voiture. Il n'y a plus de passage piéton. Et donc nous, on n'a plus du tout de point de repère. On n'a plus de trottoir, on n'a plus rien. Donc on n'a plus du tout de point de repère pour circuler. Et là, ça représente un danger terrible, quoi. D'accord. Et Claudine et Patrick, est-ce que vous avez participé aux différentes activités proposées par l'association, les sorties raquettes, etc. Oui, on y participe en tant que bénévole, on y participe très régulièrement, quasiment, à, enfin en tout cas à chaque fois qu'on peut. Le but qu'on se fixe quand on devient bénévole dans une association, c'est d'apporter tout ce qu'on peut. C'est pas de dire j'y vais quand ça me chante. Donc c'est un engagement qu'on prend et à partir de ce moment-là, on doit aller, enfin à mon sens, on doit essayer d'aller jusqu'au bout de cet engagement. Il faut savoir que, enfin, je ne sais pas si c'est... quand on devient bénévole dans une association, surtout une association de ce type-là, où on y va pour aider les gens, pour apporter notre aide, notre soutien aux personnes qui en ont besoin. Et c'est vrai que derrière, on y trouve tellement de plaisir à échanger avec eux, à lier des liens avec eux, que... On est bénévole pour donner, mais en fait, on reçoit autant qu'on donne. Quoi. Voilà. Donc, moi, je pense qu'après, quand on met le pied dans l'engrenage du bénévolat dans une association comme Voir Ensemble, eh ben, on ne le retire plus parce qu'on est pris dans quelque chose qui nous tient à cœur. Et voilà. Et vous, Patrick, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter à ça? J'ai été content de rencontrer l'association. Ça m'a fait aussi beaucoup de bien à moi. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ah, je voulais vous demander, avant qu'on se lance dans les pauses musicales, est-ce que c'est payant toutes les sorties-là? Alors pour moi, en tant que déficiente visuelle, bien sûr que c'est payant, parce que ça permet vraiment de sortir du quotidien, de faire une pause sur oublier le handicap. Je crois que c'est vraiment... Moi, c'est comme ça que je le ressens. Quand je sors avec l'association, j'en oublie mon handicap, je me considère comme quelqu'un de « normal », entre guillemets, Et je profite au maximum de ce qu'on me propose. Et c'est le but, de toute façon, de la démarche. C'est notre démarche, c'est ça. C'est faire oublier le handicap à toutes ces personnes qui sont confrontées à des limites qui peuvent, pour certaines, leur paraître inaccessibles. On a des nouveaux adhérents régulièrement qui arrivent en me disant « Ah ben non, moi, je ne peux pas faire les travaux manuels, je ne vois pas assez clair. » Donc tout de suite, moi, je dis « Écoute, moi, je suis non-voyante aussi et j'en fais. » On est dans une association où on est censé adapter les activités pour les déficients visuels. Donc, en principe, tout ce qu'on propose, en principe, tout le monde doit être capable de le faire. Justement, vous faites quoi comme activité manuelle ? On a fait déjà pas mal de choses. On a fait de la peinture, on a fait des tableaux en 3D. Là, dernièrement, on a fait des fleurs avec de la tige métallique et des bas de couleur, donc j'ai découvert ça, je connaissais pas du tout, et c'est vrai que ça fait de très jolies fleurs. On a fait également un dessous de plat avec des bouchons en liège. Là, on va faire prochainement un bâton de pluie, donc des petites choses comme ça. On a fait des bracelets Shambhala quand c'était la mode. On va voir pour faire du macramé, donc on essaye de trouver des activités qui puissent convenir à tout le monde et puis qui laissent des souvenirs, puisqu'on a l'objet, on repart avec l'objet chez nous, donc on a le souvenir de ce qu'on a fait nous-mêmes. On a fait aussi de la vannerie à une époque. D'accord. Et on propose également aussi maintenant, on avait des jeux depuis longtemps, mais personne n'y participait. Et Christine, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, a proposé de relancer l'activité de jeu, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par les travaux manuels. En revanche, ça les intéresse de jouer, ça fait travailler l'esprit aussi, puis ça fait passer un moment convivial, sympathique. Donc on a maintenant une gamme de jeux adaptés. On a 7-8 personnes qui jouent aussi au jeu pendant que les autres font des loisirs créatifs. Et c'est quoi comme jeu ? Alors là, Patrick va vous le dire parce que lui, il joue. Oui, ben c'est tous les jeux que je ne connaissais pas. Il y a le jeu que Jacques nous a appris, ben c'est... Le Sky Joe. Il y a le jeu des vaches. Ouais. Ouais. Il y a le jeu le Uno. Il y a pas mal de jeux. Hein. On rigole des bons coups. Voilà. Et j'ai essayé de faire un système de codage en braille sur les cartes, sans connaître le braille, mais en ayant un codage binaire et mathématique. Comment vous avez fait pour faire ça ? Eh ben, le problème, il fallait que quelqu'un qui connaisse le braille et qui sache se servir d'une machine, donc c'est Christine. Et donc... on fait des petites marques sur la carte, et suivant les colonnes, on est en code mathématique 3 ou 4, et

vision, a one we all can see. We need a revolution, so long as we stay free. Welcome to the desecration. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Christelle, Jacques, Claudine et Patrick. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Christelle, quel genre d'événement a organisé l'association depuis qu'elle existe dans les Vosges ? Eh bien, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein, donc de tout ce qu'on organise, séjour randonnée, séjour raquette, sorties culturelles, pique-nique, repas festifs, les ateliers, donc loisirs créatifs et jeux. C'est un petit peu, la randonnée, beaucoup. Mmh. Vous m'aviez parlé d'un événement hors antenne, c'était quoi les déficients visuels qui aidaient les personnes voyantes à... D'un repas, je crois. Ah oui, nous avons eu pendant plusieurs années, je ne sais pas si c'est pas 6 ou 7 années, cette année, pardon, un genre de partenariat avec l'auberge de Morbieu, qui, le patron m'avait contacté parce que il voulait organiser des repas dans le noir, et donc évidemment, il avait besoin de personnes non-voyantes à table pour être guide de table. Donc là, c'était vraiment sympa parce que les rôles s'inversaient, c'était les non-voyants qui aidaient les voyants. Donc évidemment, pouvez-vous douter que tout le monde avait les yeux bandés, la salle était assombrie au maximum, et personne ne connaissait le menu, puisque le but était un petit peu d'ouvrir les autres sens pour essayer de découvrir ce qu'on mangeait, ce qu'on pouvait boire, et puis être attentif aussi à ce que les autres pouvaient dire. Et le constat de tout le monde, c'est que le son monte très vite, puisque forcément, comme personne ne se voit... on n'a pas ce rapport visuel quand on discute avec quelqu'un, quand on voit la personne, quelque part visuellement on se rend compte qu'elle nous écoute. Là en revanche, comme tout le monde est dans le noir, on n'est pas certain que la personne nous entend, et du coup tout le monde monte le son, et alors régulièrement il fallait que le patron fasse baisser le volume parce que sinon c'était un capharnaüm terrible. Et ce qui doit être compliqué aussi, c'est de savoir quand la personne a fini de parler, de ne pas lui couper la parole du fait que vous ne la voyez pas aussi. Ah là, la politesse était de côté, je crois, hein, de toute façon. Mais c'est vrai qu'on a du coup beaucoup de bénévoles qui ont participé à cette expérience. Et bon, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu aidés dans le sens où ils nous ont vus régulièrement manger. Donc, ils avaient un petit peu les gestes, ils connaissaient un petit peu les gestes à avoir et surtout ceux à ne pas faire. Mais c'est vrai que ça leur a permis quand même de se mettre dans les conditions d'un non-voyant et de se rendre compte un petit peu de la difficulté que c'est de manger quand on ne voit pas clair. Et on a aussi des bénévoles qui se sont prêtés au jeu. Un certain monsieur Jackie Collin, pour ne pas le nommer, a déjà essayé à plusieurs reprises de se bander les yeux pour randonner et de se faire guider par quelqu'un. D'accord. Et justement, Jacques et Christelle, comment vous faites pour manger avec les... Est-ce que quelqu'un vous met des couverts à côté de vous ou... Moi, j'ai mon compagnon qui me coupe tout ce qu'il y a à me couper. Ouais. Donc après, souvent je ronchonne parce qu'il a tendance à trop charger l'assiette. Donc ça ne me plaît pas trop. Mais sinon, après, quand je suis allée au centre de rééducation fonctionnelle après la perte de la vue... en principe, on nous apprend à nous débrouiller tout seul, mais c'est vrai que c'est tout un protocole. Par exemple, si on vous sert une tranche, une escalope, ça veut dire qu'il faut qu'on vous mette que la viande, il faut découper au fur et à mesure, manger les morceaux, Et du coup, vous ne mangez pas la viande avec les légumes, quoi. C'est un peu... Si on veut s'en sortir, il ne faut pas qu'on ait tout dans l'assiette, parce que si on découpe la viande, qu'on a les légumes dedans, il y a forcément des choses qui vont passer à côté, hein, c'est clair. Surtout s'il y a des choux de Bruxelles. Tout à fait. Peut-être, oui, des choux, ou des petits pois. Et vous, Jacques ? Eh bien, je me fais toujours aider par quelqu'un qui se trouve à côté de moi. Et autrement, chez moi, c'est moi qui me fais à manger. Donc, je m'arrange pour ne pas avoir de problème et d'avoir des petits morceaux dans l'assiette que je peux récupérer avec une cuillère, parce qu'une fourchette, c'est pas facile. Je préfère la cuillère à la fourchette. Voilà. Autrement, on apprend à ses dépens, des fois, et des fois aux dépens des habits. On résout les problèmes de cette façon, quoi. D'accord. Et comment est-ce que vous vous faites à manger ? Vous savez, par exemple, où est telle casserole, etc. Ah oui, exactement. Oui, ça, c'est aussi un problème quand on a une femme de ménage. Après, on cherche beaucoup de choses. Mais on sait où tout se trouve, où on a beaucoup plus de mémoire que quand on est voyant. On a la mémoire des emplacements, et après, on a des gestes qui sont automatiques et on tombe pile poil à l'endroit où il faut prendre la chose qu'on désire. D'accord. Donc, il ne faut pas que la personne te déplace la chose, même si elle ne fait pas exprès. Là, ça tout va être un fait. Peu compliqué. Si vous prenez le sel à la place du poivre sur non. une escalope, par exemple, ça risque de faire un peu trop salé. Là, on reconnaît la salière et la poivrière, ce n'est pas la même chose. C'est des formes... c'est facile à retrouver. Par contre, dans les épices, c'est toujours les mêmes boîtes. C'est ça embêtant. Mm-hmm. Voilà. Oui, c'est vrai, parce que des fois, vous avez le persil et l'ail, c'est exactement la même boîte. Sauf des fois, il y en a une en verre, une en plastique. Voilà. Est-ce que vous avez des fois des aides à domicile ou pas ? Oui, j'ai une aide à domicile pour faire le ménage. Mais enfin, le plus gros du ménage où je passe habituellement, je le fais. La femme de ménage n'a plus qu'à faire les coins, parce que bon, je m'y aventure pas. Voilà. Bon. Comment ça s'est mis en place l'événement pour le goût avec les personnes voyantes et déficientes visuelles ? Vous voulez parler du restaurant ? Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, c'est le patron de l'auberge qui connaissait une bénévole, Annie Labro, qui habite à Cornimont. Et donc, il l'a appelée et lui a dit écoute, je sais que tu fais partie d'une association avec des non-voyants et des malvoyants. Est-ce que tu pourrais leur poser la question, à savoir s'ils seraient d'accord pour participer à des repas dans le noir et nous aider à organiser ça ? Et c'est comme ça que ça s'est fait. Est-ce que vous prévoyez de faire d'autres événements comme ça plus tard ou pas ? Pour l'instant, non, ça n'a pas été évoqué. Après, il faut avoir une structure qui veuille le faire. Mais c'est vrai que s'il y a un jour un restaurant qui me contacte qui veut le faire, pourquoi pas ? Ça peut être une expérience enrichissante, d'autant qu'on a de nouveaux bénévoles qui ne connaissent pas, donc qui pourraient faire le test. D'accord. Et hormis l'auberge, est-ce que vous avez d'autres partenaires avec l'association Voir Ensemble ? Alors, on a, comme je vous disais, on a déjà la mairie d'Épinal qui nous aide pas mal pour en nous prêtant des salles, ce qui est quand même une bonne chose parce qu'on n'a pas de local à nous. Donc, s'il fallait louer des salles pour toutes nos activités ou nos réunions, ça serait quand même un coût important. On a également eu un partenariat avec le Rotary Club. Donc, avec même toutes les sections du Rotary au niveau du département et même hors du département, puisqu'ils nous ont financé 5 tandems. On a eu la remise en 2021, donc je les remercie encore, hein. ils nous ont offert 5 tandems neufs, donc c'était une belle chose, parce que c'est vrai qu'on faisait du tandem avec des vieux coucous, si vous me permettez l'expression, et c'est vrai que on avait rarement une sortie sans souci de frein, de ci, de ça, donc c'était plus faisable en l'état, donc maintenant on est reparti avec des tandems neufs, et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de faire du tandem dans ces conditions-là. Donc on a le Rotary, et puis sinon, on n'a pas de partenariat. Et pour le tandem, comment ça se passe ? Est-ce que vous faites ça avec un bénévole ? Ah ben oui, forcément, on met le voyant devant et le non-voyant derrière. Quoique, j'ai participé avec M. Collin à une sortie organisée par Retina où apparemment, il y avait un équipage où le non-voyant était devant. Ah non, c'était le non-voyant qui passait les vitesses. Oui. Ah oui, c'était pas du tout ça. Je dis des bêtises, excusez-moi. Mais oui, effectivement, il faut que le voyant soit devant. Donc ce sont des bénévoles de notre groupe aussi qui aiment faire du vélo, qui sont guides tandem quand on en fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos collaborateurs qui travaillent avec vous à l'association ? Alors au sein du comité, nous sommes actuellement 11 personnes. Donc, avec évidemment secrétaire, trésorier adjoint, responsable adjointe. Chacun a effectivement une tâche à remplir au sein de l'association, en principe. Comme je le répète régulièrement à nos adhérents, il n'est pas obligatoire de faire partie du comité pour pouvoir proposer une activité. Bien au contraire, tout le monde peut proposer une activité. Évidemment, elle est validée par le comité ou pas, mais c'est tout le monde est le bienvenu pour proposer justement. C'est ce qu'il faut. Il faut que tout le monde se sente un petit peu investi d'une mission et se dise, moi aussi, je peux proposer quelque chose. Je ne fais pas partie du comité, mais j'ai une idée. Donc, il faut surtout suggérer toutes les idées. C'est important, oui. D'accord. Alors, j'ai vu que, par exemple, quand je regarde un film à la télé, qui a une rubrique pour les personnes malvoyantes, c'est ça ? Donc, ils vous décrivent tout ce qui se passe dans le film ? Oui, c'est le système de l'audiodescription. Donc, c'est en fait une voix off qui décrit ce qui se passe quand il n'y a plus, évidemment, quand les acteurs ne parlent pas. Donc, ça peut décrire un paysage, ça peut décrire l'attitude d'une personne, la manière dont elle est vêtue. Donc, ça complète un petit peu l'image qu'on peut se représenter, nous, quand il nous manque la vue, forcément. Et ce système existe également maintenant dans des cinémas. Christine, qui n'est pas là aujourd'hui, nous en a parlé à l'Assemblée Générale dernièrement. Apparemment, il y a une application qui peut se télécharger sur le téléphone et on peut avoir accès à de l'audiodescription en allant au cinéma, par exemple, à Armiremont. D'accord. Et quel genre de film ou documentaire, etc., est-ce que vous aimez entendre, vous ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Écoutez, je suis pas trop... Je sais que mon compagnon aime bien tout ce qui est reportage animalier, mais bon, quand on voit pas clair... voilà quoi, ça a ses limites. Mais après, moi j'aime bien quand même, j'écoute des films, je regarde des films, même si je vois pas, je les regarde à ma manière. Ce qu'il faut se dire, et moi c'est vrai que ça m'avait beaucoup choqué au début quand j'ai perdu la vue et que j'ai voulu suivre un film à la télé, c'est que ça m'avait, au départ, ça m'épuisait parce qu'en fait je me rends compte que, ayant vu avant, mon cerveau crée toujours des images. Donc quand je suis un film, j'ai mon cerveau qui est tout le temps en train de bosser, qui est toujours en train de me représenter les images. Et je m'y suis faite depuis le temps, mais c'est vrai qu'au début, je trouvais ça très très fatigant, quoi. Parce qu'en fait, même quand on randonne, la plupart d'entre nous a vu. On a très peu de gens, on n'en a quasiment pas de naissance, non-voyants de naissance. Et quand on a vu, bon, c'est une aide, ça nous aide beaucoup parce qu'on a la mémoire visuelle qui est toujours là. Mais c'est vrai que du coup, on a aussi le cerveau qui est tout le temps en train de faire des images. Là, mon cerveau imagine les têtes autour de moi. Alors après, c'est vrai qu'on en plaisante avec d'autres non-voyants parce qu'on a mis une tête sur toutes les personnes de l'association. Et je dis tout le temps, je serais curieuse un jour, si je pouvais retrouver la vue, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, de voir la tête que j'ai mise sur les gens, et voir la tête réelle qu'ils ont, parce que je pense que je serais certainement choquée, parce que j'imagine que... Je sais pas comment ça fonctionne, parce que c'est de l'inconnu, ce qui se passe dans notre cerveau, mais j'imagine que la tête qui a été créée par mon cerveau dépend un petit peu de la voix que j'entends, des attitudes de la personne qui est à côté de moi... Je sais pas, c'est certainement, il y a beaucoup de facteurs qui doivent aider pour fabriquer une image, mais je me demande si c'est vraiment que ça correspond à la réalité, quoi. D'accord. Et vous, Jacques, qu'est-ce que vous aimez les programmes en audiodescription ou est-ce que ça vous intéresse pas ? Je ne regarde que ça et en ce moment je suis en panne, alors je suis avec mon distributeur d'images. À couteau tiré, voilà, bon. Mais autrement, l'audiodescription, c'est très bien. D'accord. C'est bien pour tout, voilà. Il y a quelque chose qui est revenu à la mode, là, depuis quelques années, c'est les livres en audiodescription. Est-ce que vous en servez, vous ? Est-ce que vous préférez lire en braille, vous, Christelle ? Alors, le livre audio, j'ai voulu essayer au début, mais non, j'y arrive pas. Après, j'ai une formation de littéraire, donc moi, j'ai besoin d'avoir un bouquin dans les mains. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup lu en braille. Il y a l'association Valentin Oui à Paris qui, d'ailleurs, prête des livres en braille gratuitement. Le gros problème du braille, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que c'est très fragile. Donc, à force d'avoir des doigts qui passent dessus, les points finissent par être écrasés. Et en plus, c'est très volumineux. Donc, un bouquin, je ne sais pas, un bouquin qui fait 200 pages en noir, je recevais 5 ou 6 valises de bouquins en braille, pour vous imaginer un petit peu. Donc, j'avais une quinzaine de volumes, peut-être. Donc, c'est très volumineux. Mais moi, personnellement, voilà. Mais on a beaucoup de gens dans l'association qui écoutent des livres audio, et je trouve que c'est très bien que ça existe. C'est une très bonne chose, hein. Il faut que la personne raconte bien l'histoire aussi. Ah, ils sont triés sur le volet, je pense que. Mais c'est vrai que oui, il faut. Et puis après, bon, il y a toute une gamme de. Il y a tout un style, comme dans le roman en noir. De toute façon, il y a des romans policiers, il y a tout style d'écriture. Donc après, on se dirige vers les écritures qu'on préfère. Mais c'est vrai qu'il faut que la personne. Il faut qu'on entre dans l'histoire. Donc il faut effectivement que la lecture soit parfaite. Et vous, Jacques, est-ce que vous aimez les livres en audiodescription ? Oui, les livres audio, je m'intéresse surtout aux livres scientifiques. Et on peut aller sur des bibliothèques comme EOL, où on a un accès gratuit grâce à notre carte d'invalidité. Donc on a droit à un certain nombre de volumes gratuitement. D'accord. On peut les enregistrer gratuitement sur des clés. Donc, mais il faut toujours un voyant pour effectuer l'enregistrement, quoi, bien entendu. Et quel genre d'histoire vous plaît le plus ? Ou est-ce que c'est le plus le policier, les romans d'amour, etc. ? Les romans, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les mathématiques, tout ce qui est aventure industrielle, l'espace, l'astronomie. L'astronomie et puis l'aventure spatiale, ce qui se passe, l'aventure humaine. Mm-hmm. Voilà. Et vous, Christelle, c'est quoi votre type d'histoire que vous aimez le plus ? Moi, je serais plutôt dans le policier, avec de l'intrigue, du suspense, des choses comme ça. Pour les films aussi, du coup ? Aussi, oui, effectivement. C'est quoi les projets futurs de l'association Voir Ensemble dans les Vosges ? Qu'est-ce que vous avez prévu prochainement ? Alors là, la prochaine activité, ça va être notre séjour de randonnée, qui va se dérouler du 5 au 11 juin. Nous allons du côté de la Petite Pierre. Donc... entre l'Alsace, la Moselle, l'Allemagne, oui, c'est limite à la frontière de l'Allemagne. Donc nous sommes 24 inscrits pour participer à ce séjour qui est organisé donc par Francis, qui fait partie du comité. Et nous avons fin juin notre sortie culturelle en bus. Nous irons du côté de Neubrisac, et là c'est Christian qui a organisé cette sortie avec un système de croisière. Nous allons manger sur un bateau, donc c'est assez atypique. Donc j'espère que ça va plaire aux gens et qu'on aura beaucoup de monde pour y participer. D'accord. Est-ce que l'association est à la recherche de bénévoles ? Alors nous recherchons surtout des chauffeurs-guides dans le secteur de Charmes. Parce que nous avons 2 adhérents dans ce secteur et nous n'avons pas du tout de chauffeurs là-bas. Donc c'est surtout dans ce secteur-là qu'il nous manque des chauffeurs bénévoles. D'accord. Est-ce qu'on peut retrouver l'association sur Internet et les réseaux sociaux ? Alors, sur les réseaux sociaux, nous, personnellement, pour le groupe des Vosges, nous n'y sommes pas. Après, donc, on peut accéder à notre site Internet en allant sur le site de Voir Ensemble Paris. Et on peut trouver donc la rubrique du groupe des Vosges. Tous les groupes ont un site Internet. Et là, vous trouverez des photos. On a un adhérent, Sylvain, qui poste régulièrement des photos, des résumés de nos activités, de tout ce qu'on fait dans notre association, dans notre groupe. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à tous les quatre, à vous et à l'association Voir Ensemble ? Si je peux me permettre, moi, je souhaite longue vie à cette association parce que je tiens à rappeler toute l'importance qu'elle a, toute la nécessité qu'elle a pour chacun de nos adhérents. Comme je le disais, elle est une porte de bonheur et de joie pour beaucoup d'entre nous. Sans elle, je crois qu'il y en a beaucoup qui n'auraient pas l'opportunité de pouvoir sortir autant. Donc j'espère qu'elle pourra durer encore longtemps. C'est tout le mal que je lui souhaite. Et je tiens à remercier tous les bénévoles qui œuvrent dans notre association, parce que, comme je le disais, sans eux, rien ne pourrait se faire. Donc ils ont une importance considérable. Donc je les remercie énormément. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous, Claudine, Jacques et Patrick ? Bah écoutez, moi je dis comme Christelle qu'on espère de tout cœur que l'association va perdurer le plus longtemps possible, parce que, mais je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. On est quand même un groupe actif, nombreux. Et quand on voit tout ce que ça peut apporter, tout ce que cette association peut apporter, aussi bien aux déficients visuels par l'aide qu'ils ont de la part des bénévoles, mais aussi le bien que ça apporte aux bénévoles par toute l'amitié qu'ils reçoivent et de la part des déficients visuels. Je pense que c'est un bien pour tout le monde. D'accord. Et vous, Jacques ? Oui, quand on est dans l'association, on se sent en sécurité. On se défoule un peu parce que, bon, on sait que on est surveillé, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Mais bon, je me calme un petit peu. Quoi. Et vous, Patrick ? Eh bien, bon, je pense qu'elles ont tout dit, là. On ne peut pas dire mieux. J'espère que ça va durer très longtemps. Voilà. D'accord. Cette émission est maintenant terminée. Christelle, Jacques, Claudine et Patrick, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir pour parler encore de l'association et peut-être de votre actualité, puisqu'il y en aura certainement d'autres d'ici là. En tout cas, si je peux me permettre, moi je vous remercie d'avoir pris contact avec moi, d'avoir eu cette idée de nous convier pour parler de notre association. Un grand merci à vous. Disons que dans les médias, on ne parle pas assez des handicaps et je trouvais que c'était bien d'en parler à la radio. Tout à fait. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura. Bye tout le monde.